20-25, observation. Question de temps. Il y a toujours quelque chose à faire, vous savez ce que c'est. On n'a pas une minute à soi. Je n'ai pas une minute à moi. Tu n'as pas une minute à toi. Elles n'ont pas une minute à elles. Ils n'ont pas une minute à eux. Il n'a pas une minute à lui. Elle n'a pas une minute à elle. Nous n'avons pas une minute à nous. Je n'ai pas le temps de lire. Mais il faut prendre le temps de lire. Oui, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Je ne fais pas ce que je veux. Nous ne faisons pas ce que nous voulons.